Bonjour, ici Martin Archambault de l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous écoutez le podcast Auto avec Luc Desormeaux et ses collaborateurs. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 14 juillet 2015, Luc Desormeaux au micro et à l'animation. Et ce soir, on est en quantité restreinte, on est seulement que deux. J'ai avec moi Martin Archambault de l'Avec. Salut Martin. Salut, ça va? Ça va très bien, toi? Good, très bien, merci. C'est l'été, ça peut pas faire autrement que bien aller. Ouais, c'est ça, les autos électriques aiment ça aussi l'été. Parce qu'on... Les autos aiment ça, puis les conducteurs d'auto électriques aussi, parce qu'on baisse les fenêtres, on n'entend rien, on est heureux. Ouais, c'est assez amusant. Et puis donc ce soir, comme vous l'avez deviné, vu que Martin est là, on va parler voiture électrique. Puis je vais terminer ça avec mon essai du tout nouveau Mazda CX-3 2016. Mazda CX-3 qui est le petit bébé VUS de Mazda, c'est le petit frère du CX-5 que vous connaissez déjà, qui a remplacé le Tribute. Donc, on va finir l'émission avec ça. Donc, Martin, je te laisse le plancher de danse. Vas-y, puis moi, je vais te suivre avec tes sujets, parce que tu sais que je suis intéressé à la voiture électrique, donc je vais rentrer dans la discussion. Fait que je te laisse aller. Ça fait partie de ce qui est le fun, je pense. Souvent, les gens qui connaissent pas ça ont tendance à mettre en opposition les amateurs d'auto et les amateurs d'auto électrique. Pourtant, il y a de plus en plus d'amateurs, de ce qu'on appelle des gars de char, qui sont capables d'apprécier aussi les autos électriques. Puis je pense que c'est ce qui rend les discussions et les échanges sur le podcast intéressants. Moi, je mets au défi d'un amateur de char, là, un amateur de Mustang V8 5 litres ou de Camaro V8 6.2 litres, d'aller s'asseoir dans une Tesla P85D et de ne pas dire qu'il a capoté. Effectivement. C'est ça. Mais le problème, c'est que des fois, ils disent que là, tu as pris l'exception à la règle, puis que c'est sûr qu'avec ce char-là, au prix que ça vaut, ils vont triper, mais que dans un char normal, c'est pas la même affaire. Mais enfin, je pense que pour monsieur puis madame tout le monde, puis pour faire des tonnes d'essais routiers, là, j'en fais faire sur une base individuelle, mais également, là, que ce soit avec l'AVEC ou dans d'autres événements où on est plusieurs à faire des autos, la réaction des gens et en est souvent une de stupéfaction face au fait qu'ils s'attendent à quelque chose de très vache, puis quelque chose qui roule pas, puis ils sont tout à fait surpris que finalement c'est un peu l'inverse qui se produit. T'sais. Ils sont pas mal contents de l'expérience de conduite. Fait que je pense que c'est la qualité même ou les propriétés même des voitures électriques qui sont en quelque sorte leurs meilleurs vendeurs. OK, je vais baisser d'abord ma cible de Tesla P85D. Là. On va aller qu'une Chevrolet Spark, mettons, EV. ça aussi, c'est assez surprenant. Qui a 400 livres pied de couple, là. C'est assez fun. Oui, c'est assez fort. Ouais. Écoute, j'ai plusieurs petits sujets à te parler aujourd'hui. C'est pas toujours des gros sujets, mais quand même des choses d'intérêt. Je pense des choses qui peuvent intéresser la majorité des gens qui sont à l'écoute. Là. Le premier, c'est on a eu beaucoup d'annonces et d'informations à propos des voitures libre-service et de la possibilité d'avoir des voitures libre-service électriques à Montréal, simplement pour vous annoncer ou vous rappeler, pour ceux qui l'ont déjà entendu, là, que effectivement, le maire Coderre et le responsable du transport au comité exécutif de Montréal, le M. Salem, ont annoncé un appel d'intérêt international pour le déploiement d'un réseau de véhicules libre-service électriques à Montréal. C'est un projet qui est assez ambitieux puis qui semble tout à fait concret et réel, puisque maintenant on est à l'étape de solliciter les gens intéressés à participer au projet. On parle d'un projet d'attacher votre truc avec la broche là, de 1000 véhicules électriques en libre service dans les rues de Montréal et d'également plus de 1000 points de recharge pour les 10 véhicules. Donc ça ferait du véhicule en libre service. Et on a mis comme barème que les véhicules soumissionnaires, les entreprises qui vont soumissionner, doivent proposer des véhicules qui ont un minimum 150 km d'autonomie et 4 places assises. Donc, okay. On élimine là, par le fait même les la petite Renault, là. Exactement, puis les trucs plus petits. Bon, l'histoire dit pas c'est-tu 150 km au mois d'août, 150 km au mois de janvier, mais en tout cas, on parle de 150 km d'autonomie parce qu'on sait qu'au moment où on se parle, il y a quand même une variation en termes de pourcentage assez importante entre les journées froides d'hiver et les journées chaudes d'été. Quoi qu'il en soit, ça, pour moi, ça m'indique qu'on vise la technologie, les technologies actuelles de véhicules. Donc, on n'est pas nécessairement en train de faire un appel d'offres basé sur les prochaines technologies de véhicules. Donc, ça pourrait aller relativement vite. Donc, c'est là où ça en est rendu. Ça fait partie d'un paquet de projets et de visions stratégiques de la Ville de Montréal par rapport à diminution des gaz à effet de serre, augmenter l'offre de services en transport en commun et ou en transport alternatif. Donc, c'est assez intéressant et on a hâte d'avoir les nouvelles de ça, mais c'est à suivre. C'est un projet qui risque étrangement de ne pas faire grand bruit. Non, probablement pas. Là, tu dis on rouvre ça à l'international pour avoir que du monde vienne participer au projet. C'est sûrement pour les bornes puis plus pour l'infrastructure que pour les voitures en tant que telles, parce que je penserais pas qu'une compagnie comme Renault pourrait dire bon ben nous autres on va amener la Zoé à Montréal, puis ça va être ça votre flotte de voitures ou des choses comme ça. Ça pourrait-tu arriver ou si vraiment on va y aller avec comme Leaf, Ford Focus électrique, des choses comme ça qui est déjà ici? C'est une excellente question. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a de plus en plus de pourparlers entre Renault et le Québec en lien avec les véhicules électriques, j'entends là. Même en lien avec les véhicules, il y a déjà eu des véhicules à essence Renault ici. Il y a beaucoup de discussions qui se trament actuellement. On entend des choses à l'avec, on assiste à des rencontres également. Si tu me demandes mon avis dans ce projet-là, j'ai aucune idée si d'autres entreprises, des entreprises européennes ont été approchées. Ce que je peux cependant dire, c'est que ce qu'on entend me permet de croire qu'il n'est pas impossible qu'une compagnie comme Renault pourrait se lancer dans le projet. Ouais, parce qu'une Renault, c'est intéressant. Puis dernièrement, Renault a annoncé la version, c'est pas vraiment la version 2.0, mais c'est un peu ce que Nissan va faire avec la Leaf d'entre-deux, là, qui est la Leaf 2016, c'est d'ajouter un peu d'autonomie. Renault annonçait, j'ai entendu ça, je pensais la semaine passée, une autonomie de 200 km avec la Zoé, qui est pas la 2.0, là, mais comme la prochaine Zoé qui va sortir, qui sort bientôt. Donc on peut s'attendre à quelque chose de similaire pour la Leaf, mais bon, le représentant de Renault que j'ai entendu sur un autre podcast disait, ben, tu sais, est comme classé 200 km d'autonomie, mais dans vraie vie, là, on va parler de 160, 180 à peu près tout temps, ce qui est à peu près ce que la Leaf va faire aussi vraiment, là, même si là, présentement, Nissan dit comme 135 officiel, mais tu es capable de faire 160, 140 si tu conduis comme il faut, 150. Fait que là, ça va être peut-être 160 officiels de Renault ou de Nissan, puis on va peut-être pouvoir faire un peu plus dépendant du style de conduite, là, mais tu sais, la Leaf, comme il y a bien du monde qui dit, c'est la petite sœur cute. La Zoé, c'est la petite sœur cute de la Leaf. On va-tu avoir un jour au Québec, puis est-ce que ça indique après les ventes de Leaf de Nissan? C'est ça que je me demande. C'est pour ça que j'ai un peu de doute que la. Ouais, ben en fait, ce qui pourrait être possible, puis là, regarde, c'est moi qui parle, j'ai aucune information en ce sens, mais il pourrait, par exemple, être décidé que Nissan Renault utilise le nom de Renault au Canada ou en Amérique, par exemple, pour des véhicules à vocation particulière, comme pour des flottes de véhicules en partage, des trucs comme ça, puis que Nissan garderait le nom pour consommation grand public, achat là, chez le concessionnaire, etc. Ça serait une façon de faire circuler des voitures Renault au Canada sans se concurrencer soi-même là, avec une offre de service assez comparable, puis se vampiriser soi-même. Mais on se ferait passer un Spark dans ce cas-là. Ça veut dire que la Zoé serait disponible aux flottes, mais pas au grand public, ce Écoute, qui serait un peu dommage si ça serait ça. je spécule en disant ça, hein. Bon, oui. Là, j'ai aucune information en ce sens, mais ça pourrait, ce genre de truc qui pourrait, entre autres, se faire. J'ai un autre petit sujet qui est aussi d'actualité parce qu'on a entendu il y a plusieurs mois le ministre des Transports Monsieur et Poetti. Monsieur Poëti. Ouais, t'as-tu retrouvé en dessous de quelle roche qui se cachait? Parce que Non, ça, qu'on on, n'a pas tout le monde entendu le parler. cherche, je ne l'ai pas retrouvé, mais j'ai relu des annonces qu'il a faites. Puis en fait, ça m'a rappelé là, il y a aussi beaucoup de doutes et de choses qui ont plané en fait en ce qui a trait aux subventions actuelles à l'achat de véhicules électriques, à la possible transformation. Enfin, il n'a jamais parlé d'annuler les crédits à l'achat de véhicules électriques, mais il a peut-être parlé d'une transformation, d'une transposition des crédits dans autre chose que des incitatifs à l'achat. Entre autres, quand tu as parlé de récompenses pour ceux qui ont déjà le véhicule, entre autres, par des privilèges, soit de stationnement ou d'accès à des voies réservées. Mais il a quand même ouvert la brèche à une réduction ou une transformation du crédit à l'achat. Et c'est quelque chose qui se parle beaucoup. Je pense que c'est ceux qui suivent l'actualité des véhicules électriques. La ville d'Atlanta avait, entre autres, un programme fort intéressant pour les véhicules électriques. Et puis, la hache a passé là-dedans. Et puis, on apprend, dernièrement, il y a une semaine ou deux, que c'est la Californie qui est un leader en Amérique, en fait, sur les moyens mis de l'avant pour mousser l'offre et l'achat des véhicules électriques. Ils ont décidé de revoir leur programme, qui est un programme assez généreux, donné en fait plus de 217 millions de rabais depuis 2010 pour l'achat de véhicules électriques. En analysant un peu les résultats et les ventes de véhicules électriques et surtout les statistiques des gens qui ont bénéficié de ces rabais-là, ils se sont rendus compte que finalement, le trois quarts du temps, les familles qui utilisaient le rabais pour acheter des véhicules, c'est des familles qui avaient des revenus familiaux de 100 000 $ et plus par année. Donc, se sont dit peut-être qu'on donne l'argent déjà aux riches, là, c'est un peu le raisonnement qu'ils ont fait. Fait qu'ils ont décidé de moduler le rabais et de donner plus que ce qu'ils donnent actuellement aux familles à plus faible revenu, mais de donner moins qu'actuellement aux familles à haut revenu. Donc, plus tu gagnes d'argent, moins le rabais pour toi va être grand. À partir du moment où tu as un revenu de 250 000 et plus, ben, il n'y a plus de rabais pantoute qui s'applique pour toi. Donc, un millionnaire qui s'achète une Tesla en Californie va devoir la payer à 100 %, mais quelqu'un à plus faible revenu, une famille à faible revenu qui décide d'acheter une Leaf, par exemple, ou une Spark, ou quelque chose du genre, pourrait penser avoir un rabais là, plus grand que celui qu'il y avait actuellement. Donc, pourquoi je parle de ça, c'est que c'est le genre de truc qui est en mode ici au Québec là, de moduler les subventions en fonction des revenus. On n'a qu'à penser aux services de garde, étant donné que ça se parle aussi de peut-être jouer avec les subventions. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver ici? Je ne le sais pas, mais en tout cas, il y a une porte qui s'est ouverte, une brèche qui s'est ouverte en Californie avec la mise à jour du programme là d'accès pour véhicules électriques. Ben, c'est pas fou comme idée parce que, tu sais, je comprends, tout le monde a le droit à son rabais, puis la personne qui s'achète une Tesla S, c'est pas tout le monde qui s'achète une Tesla S qui sont riches. Il y a beaucoup de gens qui s'achètent une Tesla S parce que, bon, la compagnie leur rembourse une partie des dépenses et tout ça, donc ils réussissent à la payer comme ça, pas parce qu'ils sont capables de se la payer en tant que telle, mais que le coût de revient versus le coût de l'essence et tout ça, ça vaut la peine au bout de la ligne. Parce que quelqu'un, tu sais, il y a plein de calculs qui ont été faits, là. Quelqu'un qui s'achète une Mercedes d'une certaine classe, d'un certain montant, avec l'entretien, avec l'essence, avec tout ça, ben une Tesla S qui vaut peut-être 20, 30 000 piastres de plus au bout de la ligne, revient pas plus cher à cause qu'il paye plus d'essence. Donc, tu sais, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais oui, je peux comprendre que normalement, la personne qui décide de s'acheter une Tesla S, le 8 000 piastres de rabais dessus pour un auto à 110, 120 000, tu sais, c'est moins intéressant, tandis que la personne qui se magasine une Leaf ou se magasine, tu sais, une voiture électrique, bon, qu'on va appeler d'entrée de gamme, ben lui, il magasine ça parce qu'il n'a pas nécessairement le budget pour s'acheter d'autres choses, puis ça peut être ce qui va entrer dans la balance, qui va faire qu'il va choisir ça au lieu d'une Honda Civic ou de, tu sais, quelque chose à essence qui, au bout de la ligne, va coûter quand même plus cher ou le même montant avec l'essence puis l'entretien. Fait que je peux comprendre où le gouvernement s'en va avec ça. Est-ce qu'on devrait faire ça ici? Ben, ce serait peut-être pas une méchante idée. De toute façon, on a beaucoup calqué ce que la Californie fait au Québec. On va probablement continuer. Fait que Probablement, mais écoute, ce qu'on, tu sais, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs, puis après ça, peu importe ce qui va arriver ici, on est capable de le mettre après ça en relief ou en perspective. L'idée aussi, c'est de pas toujours être à la remorque, puis d'être novateur, puis d'avoir des idées intéressantes. Entre autres, à l'AVEC, et puis tu le sais probablement, on pousse beaucoup, nous, en fait, c'est que actuellement, les rabais, c'est des incitatifs à l'achat, c'est des initiatives provinciales, il n'y a absolument rien au niveau fédéral. On est probablement un des seuls grands pays qui a aucun programme au niveau fédéral. Donc, si on était capable d'avoir un programme semblable au niveau fédéral, il fait juste penser pour ici le Québec, nous, qu'on a déjà un rabais provincial, comment ça pourrait devenir intéressant l'achat d'un véhicule électrique. C'est un dossier qu'on pose depuis plusieurs années avec les élections qui s'en viennent, ben l'AVEC, on fait beaucoup de représentations, puis on fait circuler beaucoup d'informations à ce sujet-là, dans le but d'influencer nos futurs élus fédéraux, à les sensibiliser à avoir un plan cohérent en matière de transport, particulièrement en électrification des transports, pour être capable de que ce soit pas juste le Québec, l'Ontario, puis un peu la Colombie-Britannique, mais bien l'ensemble du Canada qui puisse bénéficier de ces rabais-là, même si dans les faits, pour des raisons géographiques et autres, c'est certain qu'il va toujours y avoir un décalage entre certaines provinces pour lesquelles ça s'applique un peu plus et d'autres un peu moins, mais ça peut quand même être quelque chose qui serait intéressant. Alors, croisons les doigts, continuons d'en parler, puis on verra ce qui va arriver avec ça. Y a-tu une lueur d'espoir? Ou à date, c'est comme crier dans la forêt, là. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. Tu fais peur aux chevreuils? Oui, ben on commence. Hein, on est en train de se mettre en marche. Il ne faut pas non plus oublier que l'AVEC est une association qui est jeune. Ben, mm-hmm. Les voitures électriques au Québec, c'est jeune aussi. Là, ça, on ne peut pas dater d'avant qu'il y en ait. Hein. Ouais. Puis, donc, on est une association jeune de quelques années seulement. Donc, ça va être comme notre premier cycle d'élection fédérale pendant lequel on est suffisamment bien installé, équipé, organisé du point de vue lobbying, communication, point d'entrée dans tous les grands partis politiques fédéraux pour être capable de faire circuler l'information de façon cohérente. Donc, on commence. Je te dirais à plus proche des élections, je pourrais te revenir puis te dire si on prêche dans le désert aussi de l'écoute. On sait qu'il y a certains partis politiques qui, de par la nature et du parti, les orientations passées sont un peu plus sympathiques à cette cause-là, et on sait qu'il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Sans donner de détails, je pense que vous êtes capable de... Il y en a qui sont très, très conservateurs. Ouais, et tout à fait. J'ai rien dit, là. J'ai pas nommé de parti pantoute, j'ai juste donner un état d'esprit. Mais donnons la chance aux coureurs. Nous, on va faire toutes les représentations possibles et imaginables sur toutes les tables pour être capable de faire valoir ces points-là et aussi de démontrer les bienfaits et les retombées qui vont avec ça. Donc, parce que bien entendu, on a tendance à voir juste un côté de la médaille. Donc, on donne des sous, oui, mais il y a quand même des retombées. Il y a quand même des côtés positifs à ces mesures-là et à l'augmentation de véhicules électriques qui circulent sur les routes. Donc, il faut être capable aussi de faire... Souvent, c'est des gens qui comprennent des chiffres. Fait qu'il faut être capable de leur parler en chiffres aussi. Il y a pas une question aussi qu'il y a une province au Canada qui vit du pétrole? Puis que si le Canada commence à donner des subventions à grandeur du Canada pour des voitures électriques, peut-être qu'il y a une province qui sera pas tellement contente. C'est juste ça que j'ai peur un peu. Je sais que c'est pareil aux États-Unis, puis il y a quand même des programmes, là, mais tu sais, je sais pas. C'est peut-être ça un peu qui ralentit les choses au niveau gouvernement canadien. Ben, c'est certain que ça a un impact. Maintenant, il faut prendre le temps, puis il faut surtout pas baisser les bras, faut y aller une étape à la fois. Puis on croit aux voitures électriques, on veut qu'il y en ait le plus possible sur les routes, on pense qu'il y a des bienfaits à ça, mais on n'est pas idiot à temps plein pour autant. Moi, je pense pas que si on augmente de 20% les ventes actuelles de voitures électriques, ça veut dire l'arrêt de mort des voitures à gaz pour les prochains 10 ans. Là. C'est certain que non. Donc, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout. Il y a surtout encore beaucoup d'espace pour démontrer que dans bien des cas, on peut nous prouver que les véhicules à essence ont leur avantage, mais on peut vous montrer que dans bien d'autres cas, les voitures à électriques ont leur avantage aussi. Puis je pense que c'est une question pour l'instant, au moment où on se parle et où la technologie actuellement, c'est une question de créneau. Et dans les grands centres urbains, les grandes villes, peu importe quelle grande ville du Canada, il y a une forte proportion des gens qui vivent dans ces grandes villes-là ou en périphérie, encore plus en périphérie des grandes villes, pour lesquelles une voiture électrique est vraiment le véhicule idéal. Donc, à partir du moment où on sait que ça existe, qu'on le comprend, qu'on est capable de passer l'information, puis que les gens qui veulent utiliser ce véhicule-là parce que c'est vraiment le meilleur véhicule pour eux dans leur contexte, qu'il soit capable de le faire et puis de partir la roue, je pense que c'est juste positif pour tout le monde. Ouais, moi, je suis parfaitement pour ça, là. Si ça peut donner un rabais, je sais pas, tu sais, si la province donne un rabais de 8 000 $, le gouvernement fédéral a pas besoin de donner 8 000, mais si tu rajoutes un 2 000 là-dessus, 2 500, tu commences à faire un rabais de 10 000 sur une voiture électrique, ça va commencer à intéresser les gens encore plus, là. Tout à fait. Tu sais, fait que ça n'a pas besoin d'être un montant équivalent. T'es pas obligé de donner 16 000 total pour une voiture électrique, mais tu sais, si tu donnes un petit 2 000, 3 000 de plus, puis c'est peut-être un autre demi, tu sais, la moitié de la borne qui est pas remboursée par le provincial, ou le quart de la borne, ou tu sais, rajoute quelque chose comme ça, tu vas convertir du monde encore, c'est sûr et certain. Puis avec la vague de voitures à quoi 300 plus kilomètres qui s'en vient, il y a des gens qui vont faire le saut. Ça Ah, c'est ça. va faire moins peur aux gens à cette heure-là. L'autre élément important, ben, c'est que pour que les gens fassent le saut, évidemment, c'est d'être capable de se brancher puis de se charger. On sait que l'angoisse de rester sans possibilité de se charger, c'est quelque chose qui fait peur à bien du monde. Une nouvelle très intéressante que l'AVEC a annoncée en toute primeur la semaine dernière, c'est la finalisation de l'entente qui va faire en sorte que IKEA Canada va installer des bornes de recharge dans ses 12 magasins au Canada. Donc, chacun des IKEA, donc ici au Québec, on peut penser à celui de Boucherville ou celui de Montréal, là, dans l'ouest de la ville, vont avoir deux bornes de recharge de niveau 2, 60 ampères, qui vont être fournies par Sun Country Highway. C'est un excellent projet, d'autant plus que les magasins IKEA sont des magasins où on reste généralement plus longtemps qu'au métro où on fait son épicerie, parce que c'est des grands magasins sinueux avec des détours, des zigzags qui t'obligent à passer à travers trois étages, puis la section des fauteuils, même si tu veux juste aller t'acheter un coussin. Ouais, il doit une carte GPS à quelque part, Ouais, à dans peu un près. Magellan ou dans un Garmin pour aller là-dedans, parce que c'est vraiment un labyrinthe écœurant. Puis un samedi en plus. Ouais, juste se trouver du stationnement. Donc, ça va être intéressant. Je pense que c'est une initiative qui est intéressante et ça fait de IKEA la première chaîne pan-canadienne qui décide d'installer tous ses commerces avec des bornes de recharge. Évidemment, il n'y en a pas des milliers d'IKEA au Canada, il y en a 12, mais quand même, ils sont la première chaîne qui dit, nous, à grandeur de notre réseau canadien, on va installer des bornes. On savait déjà qu'IKEA était une entreprise sensible à aux conditions environnementales. De par leurs initiatives, surtout dans les pays, surtout en Europe, là, en fait. Mais ici, ça n'avait pas été entériné encore comme entente. Maintenant, c'est fait, donc on est bien content. On félicite IKEA, puis on va sûrement aller les encourager, puis se brancher là à notre prochaine visite. J'imagine les bornes, vu que c'est Sun Country Highway, ça va être gratuit. Est-ce qu'on sait s'ils vont être ouverts, si les bornes vont être disponibles après la fermeture du magasin? Ça a-tu été mentionné? Ça n'a pas été mentionné, mais pour rester presque dans le driveway du IKEA de Boucherville, le stationnement est accessible tout le temps, là. Fait que, à moins qu'ils clôturent la section où ils vont mettre les deux bornes, selon moi, ça va être accessible tout le temps. Je vois pas. Ils n'ont pas parlé, mais je serais bien surpris qu'ils en empêchent l'utilisation dehors des heures. C'est parce qu'ils peuvent juste dire à un employé, va fermer le breaker. Oui, Tout est fini. il pourrait, mais tu sais, je pense que ça serait contre-productif, hein. Probablement. Les buts qui vivent. Tu sais, il faut pas oublier, puis on a souvent tendance à penser, là, au moment où on se parle à tout le moins, là, que les entreprises qui font ça, c'est un gros, gros, gros cadeau qu'ils font monétairement. En fait, bien sûr, il y a l'installation de la borne, là, puis l'achat de la borne et l'installation de la borne, là, quand les gens le font sur une base individuelle. Il y a des subventions actuellement pour les entreprises qui installent des bornes, soit dit en passant. Mais maintenant, les gens sont sur l'idée que ça va coûter une fortune en électricité. Faut juste se rappeler que, tu sais, charger une livre, par exemple, au moment où on se parle, au coût, le kilowattheure actuellement, ça coûte à peu près 2 piastres, tu sais. Puis quand les gens vont arriver au IKEA, ils seront pas déchargés. J'ose espérer qu'il y a personne qui va se taper 200 km pour aller s'acheter une table de chevet. Donc, tu arrives là, tu as peut-être, je sais pas, moi, encore le trois quarts de ta réserve. Tu vas être là-dedans pendant 1 heure, 2 heures. Dans les faits, tu vas peut-être coûter 35, 40, 50 cents, 75 cents, je ne sais pas, d'électricité, là. Et des gens qui vont se brancher puis qui vont coûter 75 cents, il va peut-être en avoir, je sais pas, mais qu'il en ait 10 par semaine, d'après moi, ça va être beau. Fait que dans les faits, ça lui coûte 7,5 par semaine. Tu sais, je caricature, mais à peine, là. Dans le sens, pourquoi je dis ça, c'est qu'on est souvent sous l'idée que ça va coûter une fortune en électricité. Dans les faits, actuellement, au nombre de véhicules électriques, les bornes électriques de recharge sont utilisées, mais sont pas utilisés là, steady, là, un char en arrière de l'autre. Et Non, non. les voitures restent pas là très longtemps, ce qui fait qu'au final, le surplus d'électricité sur le compte d'électricité de l'entreprise en question, là, c'est pas quelque chose qui va jeter, qui va mettre la compagnie en faillite, là, je penserais pas. Non, de toute façon, c'est des dépenses d'affaires, fait que c'est déductible d'impôts, des choses comme Tout ça, à fait que fait. c'est pas critique, là. Non, Non, mais effectivement. point positif, j'ai un IKEA pas loin de ce que je travaille, mais moi, quand je suis rendu là, je suis à peu près à, bah, j'ai probablement encore 100 km d'autonomie dans l'auto, fait que je peux revenir chez nous facile, mais tu sais, des fois, l'hiver, ça peut être Ben pratique. ouais, ça peut être utile. Puis juste, t'es mal pris, t'es dans ce coin-là, tu sais qu'il y en a une, même si t'as pas à faire là, des fois, c'est la petite demi-heure que tu vas te brancher qui va faire que tu vas être capable de te rendre là où tu veux. J'ai bien du monde, là, c'est la mode d'essayer de faire le plus loin possible. Puis le monde se font des trajets en fonction des bornes de recharge, là. Ben, ça en fait plus, puis ça fait juste prouver aux gens aussi que quand tu regardes une carte, ben, tu te rends compte que dans une ville comme Montréal ou dans des grands centres urbains, ou même en banlieue de Montréal, c'est pas 10, c'est pas 15, c'est des centaines. Si tu regardes PlugShare puis tu zoomes ça pour voir l'île de Montréal, Laval, mettons la rive nord jusqu'à Saint-Jérôme, puis la rive sud aller jusqu'à Saint-Hyacinthe, il y a peut-être 350, 400 bornes de recharge, là. Il y en a de la borne de recharge, pas parce qu'il en manque, Non. mais des fois, c'est qu'il y en a à proximité de là où tu vas, parce que même si c'est dans une région puis il y en a trois, si c'est trop loin pour stationner ton auto là puis aller où tu veux aller à pied, ben c'est pas ben, ben utile. L'idée, c'est que s'il y en a suffisamment proche de là où tu vas, ben, tu vas peut-être te stationner le coin de rue de côté. Ça m'est déjà arrivé, moi, de stationner au métro, puis de là où je voulais aller, c'est juste l'autre bord de la rue en billet. Tu sais, c'était un 35-40 secondes de marche. Ben, je me suis stationné là pour me charger. Ça me dérangeait pas. Si j'avais eu à me stationner à 1 km ou 2 km plus loin, ben, là, c'est un peu plus fatigant l'hiver de te stationner à 2 km de ton rendez-vous pour charger ton auto. Surtout si tu as bien calculé tes affaires, ce que devrait faire quelqu'un qui a une auto électrique, puis t'organiser en partant pour être capable d'aller puis de revenir sans être obligé de te brancher. Ouais, c'est ça. L'hiver, c'est un peu plus compliqué, mais l'été, normalement, c'est plus facilement C'est plus faisable. facile. Ouais. Si on continue à parler des bornes de recharge, ben le gros l'élément qui stimule beaucoup les gens, je te dirais, dans le dernier 6 mois, la dernière année, et pour raison, c'est le réseau de bornes de recharge rapide à 400 volts courant continu qui a été établi entre Montréal et Québec par l'autoroute 40. Il a été annoncé que le même circuit se ferait par le circuit électrique également par l'autoroute 20. Ben, c'est commencé. Les premières bornes ont commencé à se faire installer. Il y a celle de Drummondville qui est en fonction depuis le 9 juillet. Donc, c'est tout récent. Elle est située dans le stationnement du Saint-Hubert Express là, sur la rue Saint-Joseph à Drummondville. Donc, tu sors de l'autoroute 20 puis t'es directement rendu dessus, là. Donc, c'est super bien situé. Il y a des bornes de niveau 2 aussi, si jamais t'as affaire à te brancher puis t'es un peu moins pressé puis que la borne rapide est déjà en fonction. Donc, c'est un beau spot là, entre Montréal et Québec pour arrêter Drummondville, évidemment. Plus proche de Montréal, celle de Sainte-Julie est finie d'être installée. Moi, je reste là, Sainte-Julie, je reste à côté, là. Je suis allé la voir il y a 2 jours. Elle est reliée électriquement, donc elle allume l'écran, mais elle n'est pas activée là, parce qu'ils sont en train de terminer le stationnement juste en avant. Donc, c'est une question de délai de travaux publics. Normalement, là, quelque chose comme aux alentours du 20 juillet, elle devrait être en fonction. Surveillez le site de l'AVEC, on va l'annoncer dès qu'elle va l'être. Est stratégiquement située pour les gens qui ont à faire des trajets là, de Montréal vers Québec ou de Québec vers Montréal. Encore une fois, elle est collée sur l'autoroute 20. Tu sors de l'autoroute 20 à la sortie principale de Sainte-Julie, sortie 102 de l'autoroute 20. Puis tout juste, elle est direct en face du McDonald's. En face, quand tu sors, le McDonald's est comme de l'autre côté de la rue. Puis du côté de la rue par laquelle tu sors là, quand tu arrives par l'autoroute 20 en provenance de Montréal, là, puis que tu sors, ben, tu es direct à côté. Elle est annoncée. De toute façon, il y a des pancartes. Quand tu prends la voie de la sortie pour l'autoroute, il y a des pancartes déjà qui l'annoncent. Fait que tu peux difficilement la manquer. Super bien située. Et puis là, ben, évidemment, Sainte-Julie, Drummondville, on peut penser, parce qu'il y a des annonces qui n'ont pas été faites encore sur le positionnement des prochaines le long de l'autoroute 20, mais on peut penser que Saint-Hyacinthe pourrait être stratégique. On peut penser qu'à quelque part entre Drummondville et Québec, là, là, sur le bord des sorties pour aller à Victoriaville ou des trucs comme ça. Ça pourrait être stratégique aussi qu'il y en ait là. Il y en a déjà à Québec. Donc, le corridor de l'autoroute 20 et de l'autoroute 40 seront bientôt parfaitement reliés. Et puis, évidemment, ben, tout dépendant où les gens vivent, là, on se croise tous les doigts. L'autoroute 15, ça pourrait être intéressant s'en aller vers Saint-Jérôme, Mont-Laurier, etc. Ça pourrait être un axe routier principal intéressant à relier. L'autoroute 50 pour s'en aller vers l'Outaouais. On sait qu'il y a des trous par là. Il y a même des gens qui ont de la famille au Saguenay aussi, où il y a des trous immenses entre les régions un peu plus au sud là, et le Saguenay. Donc, on pourrait penser qu'à l'étape ou dans ces coins-là, ça pourrait être intéressant qu'il y ait des bornes de recharge rapide aussi. Bon, pour ceux qui vont dans la région de Mirabel, il y a celle d'Azra qui est à Cité Mirabel. Tout à fait, Fait qu'il y a au moins, il y a au moins ça, borne que je vais visiter dans un avenir rapproché, parce que moi je reste en région de Valleyfield, mon père reste dans la région de Mirabel, puis je me suis dit, une journée, j'étais à ma femme, une journée, prépare-toi, on part avec la Leaf, puis on s'en va chez Pépère. Fait qu'on part avec la Leaf, puis je vais arrêter à Cité de Mirabel pour me charger pour m'en revenir. Certainement. Puis c'est possible de faire des belles rides en auto électrique. Hein. Moi, je m'en vais bientôt là, à Burlington, au Vermont. J'ai un ami qui est là, qui est parti ce matin, là, puis il m'a écrit dans l'avant-midi, il m'a dit qu'il était rendu. Là. Lui, il est parti de Chambly. Écoute, il a chargé un petit peu, il s'est chargé un peu, là, il a fait un arrêt. Un petit arrêt santé, puis il en a profité pour. Il y avait un petit quelque chose à faire dans ce coin-là. Il s'est chargé à Noyant, pas loin des lignes. Après ça, lui est parti plein de Chambly. Il est arrivé à Noyant. Il s'est chargé pendant à peu près 35 minutes, 35 à 40 minutes. Ça lui a donné, mettons, je sais pas, à peu près une quarantaine de kilomètres supplémentaires par rapport à ce qu'il avait dépensé. Puis avec le restant de sa charge, il s'est rendu sans problème jusqu'au centre-ville de Burlington. Il restait 45 km d'autonomie en arrivant là-bas. Fait que, puis à Burlington comme tel, il y a des bornes partout, là, c'est pas un problème. Il y a au moins deux ou trois bornes rapides, des bornes de niveau 2, il y en a plusieurs endroits. Il y a plein de stationnements publics qui en ont aussi. Fait que c'est hyper facile de faire des trajets. Quand c'est bien relié avec des bornes, c'est facile de faire quand même des beaux trajets. Moi, j'entends souvent que les voitures électriques, c'est des voitures urbaines. Au contraire, si je vivais en milieu urbain, je prendrais l'autobus puis le métro. C'est des excellentes voitures pour les gens qui vivent plutôt en périphérie des centres urbains, pour lesquels le transport en commun, ça fonctionne, mais c'est long, où il y a des désavantages ou des irritants et qu'on veut conserver une voiture. C'est pas des voitures encore pour faire des 500-600 km à des prix raisonnables, là, on s'entend, là. Mais pour faire des voyages de 100, 150 km, là, ça se fait sans aucun problème. Et plus, si on accepte d'arrêter en chemin pour se recharger. Ouais, exactement. C'est pas vraiment dispendieux, puis c'est le fun. C'est silencieux, c'est tranquille. Écoute, si on est encore dans les bornes de recharge, un petit mémo assez rapide. Il y a eu une annonce aussi qui s'est faite dans les 2 dernières semaines, confirmant l'arrivée de on va te le dire. L'interconnectivité? Interconnectivité là, entre les bornes du circuit électrique et les bornes du réseau vert, VER, d'AD Énergie, là, de la compagnie AD Énergie. Tu sais, AD Énergie, juste pour faire l'historique, c'est une entreprise qui avait commencé à installer des bornes de recharge et qui avait commencé un réseau parallèle en marge du réseau du circuit électrique. Par contre, après le début de l'implantation du circuit électrique, Hydro-Québec est allé en appel d'offres pour trouver une entreprise qui fournirait les bornes pour les prochaines bornes pour poursuivre le déploiement du circuit électrique. Et c'est AD Énergie qui a remporté. Donc, c'est comme si le concurrent avait gagné l'appel d'offres, tu sais, ni plus ni moins, c'est ça. Fait que là, ils se sont dit c'est un peu ridicule qu'il y ait comme deux réseaux, mais sans même compagnie qui installe les bornes. Donc, il y avait déjà là, une entente entre les deux, puis il y avait des travaux qui se faisaient pour rendre compatibles les deux réseaux. Maintenant, c'est fait, ce qui veut dire que les clients n'auront plus besoin nécessairement de deux cartes des deux réseaux pour utiliser les bornes d'un réseau ou de l'autre. Au moment où on se parle, c'est en train de se déployer, cette interconnexion entre les deux réseaux. Par contre, chacun des réseaux conserve sa tarification. Donc, on se rappelle que le circuit électrique pour les bornes de niveau 2, c'est des recharges à 2,50 $, peu importe combien de temps tu es branché, alors que pour le réseau vert, c'était des prix différents, là, qui étaient soit des prix à l'heure ou des trucs comme ça. Ben, la facturation, donc le mode de paiement ou de facturation demeure celui du réseau d'origine, mais la carte de l'un ou de l'autre va fonctionner. Donc, si vous êtes un nouvel acheteur de véhicules électriques, puis que vous allez chercher vous achetez votre carte pour le circuit électrique, vous allez pouvoir utiliser à la fois les bornes identifiées circuit électrique ou réseau ouvert. Bien C'est sûr. ça. Puis dans un avenir rapproché, l'application aussi va être capable de réserver une borne sur les deux ou de débarrer une borne sur les deux Exact. réseaux. Mais c'est pas encore là. Mais c'est vraiment drôle quand j'ai lu ça parce que si tu télécharges, les deux applications sont identiques. C'est la même affaire. C'est les logos qui sont différents. Puis là, C'est c'est ça. Fait que ça on devrait voit que pas c'est être trop difficile, mettons, à mettre ensemble. différent. Oui, exact. Donc, ça devrait être quelque chose de relativement simple, mais là, il faut juste savoir que c'est en train de se faire et que ça s'en vient. Puis je pense que c'est des trucs qu'on se faisait souvent poser, ça, ouais, ça, il faut que je prenne plus qu'une carte. Y a-tu bien des cartes comme ça? Ben oui, il y en a quelques-unes si tu veux toutes. Tu n'en as peut-être pas besoin de toutes, mais en fait, le réseau vert et le circuit électrique étaient celles qu'on voyait le plus souvent. On voit de plus en plus de bornes à Zera. Il y a d'autres trucs qui poussent ici et là, mais. Mettons qu'avec ces cartes-là, ben avec cette carte-là, parce que maintenant, tu en as juste besoin d'une, là, tu couvres quand même une bonne partie, là, je pense, Azra plus le circuit électrique, là, tu couvres un pourcentage assez élevé des bornes dont les gens pourraient avoir besoin. Il faut savoir que dans bien des cas, même si on n'a pas la carte, donc la carte de proximité physique, là, le fait de s'abonner en ligne et d'ouvrir un compte avec les applications mobiles, souvent on peut utiliser et débarrer la borne là, avec l'utilisation de l'application. C'est vrai aussi pour les bornes aux États-Unis, pour ceux qui veulent utiliser les bornes ChargePoint ou des trucs comme ça, ben, t'as pas besoin d'attendre si tu as un voyage à faire, tu t'abonnes en ligne, tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir ta carte par la poste. Avec l'application, une fois que tu es membre, ben, tu peux aller directement utiliser une borne là-bas avec l'application, puis ça va être facturé sur ta carte de crédit sans problème. Ah, bonne, c'est bien ça, parce que je me rappelle la première fois que je voulais utiliser le circuit électrique, fallait absolument que j'aie une carte. Ouais. Ça date de 2012, je pense, mais c'est ça. J'avais pas le choix, ça me prenait une carte, puis il fallait que j'attende, mais c'est ça. Maintenant, les applications fonctionnent avec la géolocalisation. Donc, quand tu es proche d'une borne, ton téléphone détecte par le GPS du téléphone à quel endroit tu te trouves. Il sait donc que tu es à côté de la borne, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, du métro de Belœil, là. Il sait que tu es physiquement là. Donc, il va te permettre d'acheter mettons, dans le cas du circuit électrique, pour 2,50 l'utilisation de la borne du circuit électrique du métro de Belœil parce qu'il sait que tu es là. Par contre, la fonctionnalité pour le débarrer fonctionnerait pas si tu étais physiquement situé ailleurs. Il faut que tu sois à côté de la borne, mais tu n'as pas besoin de ta carte, tu as juste besoin de l'application, puis tu es capable de déverrouiller la borne. Puis tu peux voir aussi avant de t'y rendre si la borne est en fonction. Donc, si quelqu'un l'utilise. Donc, si tu sais qu'il y a juste une borne de recharge, puis tu vois qu'elle est déjà utilisée, puis tu t'en vas là, ben il y a des chances que tu arrives, puis que tu sois obligé d'attendre que l'autre la libère pour l'utiliser. Ouais, sinon tu vas ailleurs. Exactement. Un dernier point, mon cher ami, avant de te laisser la parole, pour te parler des statistiques de vente de véhicules électriques au Canada, ça vient tout juste de sortir la veille qu'on a sorti les chiffres. En fait, on se rend compte qu'il y a il y a certains incitatifs qui ont fonctionné très bien, entre autres les promotions pour les Volt. Et on constate aussi qu'il y a beaucoup de ventes de Tesla. Si on compare les chiffres, par exemple, et puis je pense que c'est ça qui est intéressant de voir les ventes quand on compare 2015 et 2014, on se rend compte, par exemple, que en termes de Nissan Leaf, on est à peu près au même nombre de ventes pour le mois de juin, 101 pour les Nissan Leaf. Comparativement à 104 en 2014, donc essentiellement le même nombre de Leafs vendus pour le mois de juin. Évidemment, quand les chiffres de juin, on comprend que ça n'inclut pas les ventes du mois de juin, là, ça va être au 30 mai, là, dans le fond. Non, ouais, c'est ça. Par contre, la Volt, ça commence, ça monte aussi beaucoup. Et quand on regarde les chiffres, les statistiques échelonnées sur, mettons, de janvier à juin, et qu'on regarde ce qui s'est vendu en 2015, on est rendu, pour exemple, la Tesla Model S, on est rendu à 742 de janvier à juin 2015, c'est-à-dire qu'il s'en vend au Canada de la Tesla, là. Ouais, c'est Et pas Leaf, mal. des Leaf 488, pour la même période l'année passée, on était à 462, donc c'est maintenant une vingtaine de plus qu'à pareille date. Pour la Chevrolet Volt, 425 de janvier à juin 2015, comparativement à 771 en 2014. Là, il faut comprendre aussi que dans le cas de Chevrolet Volt, et on en a parlé le mois précédent, il y a peut-être un mois là, dans un autre podcast, le fait que Chevrolet a annoncé la sortie de son nouveau modèle très d'avance avec des specs très intéressants. Ça a comme donné un coup un break assez monumental dans les ventes de Volt pour les modèles 2015 à tout de moins, parce que plusieurs acheteurs ont décidé d'attendre le modèle 2016, mais il y a eu beaucoup d'incitatifs qui ont été mis en place depuis, là, avec des rabais intéressants. Puis il y a une bonne réponse là, pour la vente depuis quelques semaines, quelques mois sur la vente des Chevrolet Volt, donc ça remonte aussi. Si on regarde les Smart ED, on a un petit peu de baisse par rapport à une période équivalente l'année passée. On a certains modèles qui ont des hausses, le Cadillac ELR, entre autres, qui a vendu un peu plus, mais ça reste quand même marginal en termes de vente au Canada si on compare avec les modèles les plus populaires. Même chose pour la Ford Focus EV, où c'est on parle de quelque chose autour de 20, 16 précisément pour janvier à juin 2015, mais c'est assez difficile à trouver par ici. La Spark commence à se vendre, mais elle n'était pas disponible avant, c'est difficile d'en vendre, là. Ça commence à se vendre aussi. Donc, les chiffres sont là pour le démontrer. Mais reste que la Tesla Model S et la Nissan Leaf et la Chevrolet Volt, là, à eux trois, représentent un pourcentage très élevé des ventes de véhicules électriques au Canada. Et ce, à date, là, mois après mois et année après année. Mais tous les chiffres, les statistiques précises de vente sont présentées sur notre site. Alors, si on le résume, là, on a pour de janvier à juin 2015, 2 266 ventes de véhicules électriques au Canada, donc dans le premier 5 mois, grosso modo, là, 2 266 mois comparatif 2 266 véhicules, pardon, comparativement à 2 146 à pareille date l'année passée, donc une légère hausse de vente des véhicules. Ben, 120 véhicules de plus, c'est quand même non négligeable. Exactement. Et ça nous donne, ça c'est vraiment les ventes, c'est pas le nombre qui est en circulation, bien entendu. On parle toujours là d'en haut de 6 000 véhicules au Québec seulement, véhicules électriques. Et ça, la progression au Québec est quand même assez intéressante comparativement à d'autres provinces. Donc on reste avec une hausse des ventes, là, contrairement à ce qui a été dit dans le reportage. La télévision que j'ai entendue dernièrement où on parlait, où d'ailleurs très, très, très clairement le journaliste présentait les chiffres de l'AVEC, mais les interprétait mal, donc semblait dire qu'il y avait une baisse de vente des véhicules, alors que c'était une mauvaise interprétation des chiffres qui étaient là. Il n'y a pas une baisse, il y a vraiment une hausse de vente des véhicules électriques au Québec. Mais bien entendu, on parle quoi qu'un peu en bas de 5 000 véhicules, si on met ça sur la flotte totale de véhicules en circulation, ça reste encore. On reste encore marginaux, mais pour avoir un véhicule électrique depuis 2011, je peux vous dire qu'en fin 2011, début 2012, quand je croisais un véhicule électrique sur la route, c'était un moment important du mois où je pouvais faire une course sur le calendrier, alors qu'aujourd'hui, c'est presque à tous les jours que je croise des véhicules électriques sur la route. Bien sûr, vous me direz que quand on en a un, on les remarque plus, là. Mais en 2012, ça faisait quand même presque un an que j'en avais un, puis c'était rare, j'en croisais. Puis en 2015, j'en croise partout. Puis juste dans mon pâté de maison, ici à Sainte-Julie, il y a 3 Leafs, une Smart, 2 Chevrolet Volt. Puis regarde, tout ça se fait en dedans de 5 minutes à pied, là. Ouais, moi je rencontre de plus en plus de Leaf puis d'autres voitures électriques, puis même au bureau c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un au bureau qui a une Tesla S, mais la version de base, la P75, ça, la P75, en tout cas la de base, puis il était stationné à côté de ma Leaf aujourd'hui. Fait que quand je suis sorti, j'avais une Tesla Model S stationnée à côté de ma Leaf. Je trouvais, hey, 2 chars électriques dans le stationnement, c'est quand même pas pire. On n'est pas une grosse compagnie, ben on est une grosse compagnie, mais on n'est pas un gros bureau, là. Fait que d'avoir 2 chars dans le même stationnement, 2 chars électriques un à côté de l'autre, je trouvais ça intéressant. Ben, c'est intéressant, ça bouge quand même, puis ça montre aussi que les incitatifs marchent, les nouveaux incitatifs pour la Volt, comme je disais, tu sais, 120 ventes de plus Mais c'est le meilleur mois de vente de Volt depuis septembre 2014 avec 120 ventes en juin, là, juste en juin. Puis là-dessus, c'est 120, il y en a 91 au Québec. C'est quand même, tu sais, puis ça avait baissé un peu les ventes avec l'annonce de sortie du nouveau modèle. Mais les incitatifs ont fait en sorte qu'il y a des gens qui ont dit, ben regarde, là, ça vaut la peine, puis je fais le saut. Puis les nouveaux specs, ben ça sera pas dans une couple d'années quand je changerai le véhicule que je les aurai parce que les specs actuels, finalement, les nouveaux specs sont intéressants, mais les actuels me suffisent dans le fond, tu sais. Puis c'est un peu ça. Il y a bien des gens qui attendent d'avoir des véhicules qui ont beaucoup plus d'autonomie. Puis moi, le premier, tu me dirais, je te transforme ta Leaf avec un modèle qui a 350 km d'autonomie. C'est sûr que je le prendrais, mais dans les faits, là, dans un mois, ça arrive peut-être une fois, gros maximum deux fois que j'ai besoin de cette autonomie-là. Donc, pour la très grande majorité de mes déplacements, l'autonomie actuelle de ma Leaf me satisfait pleinement. D'autant plus que dans mon cas, ben, j'ai une famille, j'ai une conjointe, on a un autre véhicule qui, lui, est à essence, principalement pour une question de volume. Là, moi, j'ai besoin d'espace parce que j'ai plusieurs enfants, fait que Non, ça c'est ça. prend de la place. Donc, ça me prend un autre véhicule. Fait que la fois qu'il faut que j'aille bien loin, je prends ce véhicule-là, mais le gros de mes déplacements, en fait, la quasi-totalité de mes déplacements, l'autonomie actuelle du véhicule satisfait ça. Mais bien sûr, c'est au même prix, tu m'en donnes une avec plus d'autonomie, je suis pas plus fou qu'un autre, je vais le prendre, mais dans les faits, je payerais pas vraiment bien, bien plus cher pour en avoir plus parce que je n'aurais, si je l'utiliserais pas, hein, c'est un peu comme n'importe quoi, c'est que tu peux acheter de différents, avec différents volumes ou différentes quantités, ben à un moment donné, tu te raisonnes parce qu'il y a une relation directe entre la grosseur et le prix, fait que tu prends ce dont tu as besoin. Ouais, c'est un fait. Bon, ben merci Martin pour ce tour de l'univers de la voiture électrique pour cette semaine. Merci. On va en reparler encore dans quelques semaines. Là, je vais finir pour l'émission d'aujourd'hui. Je vais vous parler du Mazda CX-3. Mazda CX-3 que j'ai remis lundi de cette semaine avec, je dirais, un peu de tristesse. Mazda fait fort depuis une couple d'années, depuis 2012. Ils ont remplacer le Tribute, qui était, bon, finalement, une version rebadgée avec un logo différent du Ford Escape, là. Ils ont sorti le CX-5 pour le remplacer. Après ça, bon, ça allait avec le Skyactiv, puis ce qu'ils appellent le design stylistique qu'ils appellent Kodo. En 2013, ben, ils ont remplacé la Mazda 6, ils ont remplacé la Mazda 3, qui ont été, bon, refaites complètement, encore là, avec le même langage stylistique, le même technologie Skyactiv. Cette année, ben là, c'est le tour d'un nouveau produit qui est le CX-3, qui était quelque chose qui n'existait pas, qui est dans la gamme là, des petits VUS, là, ou ce qu'on peut appeler les CUV, les Compact Utility Vehicles, qu'on appelle. Fait que ça, cette année, c'est le lancement de ça. Puis aussi le lancement de la nouvelle Mazda MX-5, ou ce qu'on appelle aussi la Miata, qui va se faire cette année. Fait que c'est une grosse année pour Mazda. Bon, présentement, moi, j'ai fait le CX-3. Je suis supposé faire aussi, pouvoir essayer la nouvelle MX-5, la nouvelle Miata, d'ici la fin de l'année. On va voir si toutes les planètes s'alignent pour que ça fonctionne. J'ai bien hâte, j'adore la Miata. C'est vraiment une auto avec laquelle j'ai tombé en amour quand j'ai essayé l'autre version, l'ancienne version l'année passée. C'est vraiment une excellente voiture. Donc, si on regarde le CX-3 de l'extérieur, mais c'est simple, ça a l'air d'un bébé CX-5, peut-être avec l'arrière est peut-être un peu plus arrondi que le CX-5. L'avant, ça a l'air agressif comme un CX-5. Là, ça a vraiment l'air d'une petite. Un petit VUS sportif, ça a l'air même plus d'une voiture que d'un VUS par sa grosseur, là, parce que c'est bâti sur la plateforme de la Mazda 2 et non pas sur quelque chose de vraiment gros, là. Donc ça a vraiment, bon, le look Mazda, la calandre agressive, le capot incliné, les lumières profilées qui sont bien bien insérées dans la calandre, ça fait vraiment très joli. Miroir, bon, son chauffant. Et à commande électrique avec les clignotants insérés dedans. Si on va, bon, avec les jantes, mais de base, elle va avoir des jantes, des roues en acier de 16 pouces et non pas des jantes. Si vous allez, ça, c'est la version GX, la version de base. Si vous allez dans la GS, ce que j'avais en test, c'est ce qui est drôle, puis ce qui a impressionné du monde au bureau, c'est que j'avais pas la version la plus équipée. Normalement, c'est toujours une version GT avec tout ce qu'il y a dedans, le cuir, puis toutes les gugus. Moi, j'ai eu une version GS à traction avant, ce qui va être la majorité des ventes du CX-3, là, on s'entend, c'est pas tout le monde qui va se payer le GT à 4 roues motrices. Bon, le GS, lui, reçoit des jantes de 16 pouces en alliage, puis le GT, comme je parlais, qui est le modèle le plus haut de gamme, ben lui, c'est des roues en alliage de 18 pouces. Ça a un look assez spécial, c'est très, très joli, des roues de 18 pouces. Côté confort, j'aime mieux des 16, mais côté look, des 18 pouces, il n'y a pas grand-chose qui bat ça. Frein, ben, c'est des freins à disque aux 4 roues pour le CX-3, mais pour tous les produits Mazda. Le coffre, c'est pas hyper grand, mais c'est quand même très, très utilisable. J'ai rien à redire. On est allé faire une épicerie avec en fin de semaine, puis j'ai eu de la place pour mettre tout ce que j'ai acheté. Et même j'aurais pu en mettre un peu plus. Donc le coffre est assez grand pour la grosseur de la voiture. Il y a aussi un double fond. J'ai trouvé ça, puis j'ai remarqué ça en allant le porter lundi. Je regardais voir si j'avais rien oublié dans l'auto. Puis à un moment donné, j'ai dit, ah, il y a comme une trappe dans le coffre. J'ouvre ça, puis ah, il y a comme un double fond. Fait qu'il y a, le panneau du coffre. Puis là, quand on rouvre, il y a comme un double fond. Puis en dessous du double fond, bien, il y a le pneu de rechange et tout ça. Donc on a comme deux espaces pour mettre des choses. Moi, je trouve que c'est une place parfaite pour mettre les sacs d'épicerie, genre. En autant que vous n'avez pas plein d'affaires dans votre coffre, vous n'êtes pas capable d'accéder, mais mettre vos sacs d'épicerie, ça serait très bien. Après ça, c'est ça. Bon, pour le reste du coffre, là, ça a assez d'espace pour faire la majorité de ce que vous allez vouloir faire avec. Ce que vous allez vouloir faire là, avec un véhicule comme ça. Donc, aller faire l'épicerie, aller vous promener, aller peut-être même faire un peu de camping. Ça devrait être correct, là, mais c'est sûr que c'est pas aussi gros qu'un CX-5. On s'entend que c'est un petit VUS. Intérieur, super bien fini. J'ai rien à dire contre la finition. C'est une réussite totale. C'est, on pourrait dire, impeccable, là. Les matériaux utilisés sont très bien. Moi, j'avais de la cuirette à l'intérieur, des insertions rouges dans les trappes d'air, dans les accoudoirs et tout ça. Les sièges, c'était du simili-cuir avec des insertions de tissu, des sièges chauffants, le volant, mais c'est un volant ajustable, hauteur télescopique et tout ça. Vraiment joli. La seule chose que je peux peut-être dire que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'accoudoir central. Ça va être disponible plus tard en option que j'ai entendu dire, parce qu'un de mes copains qui s'en est acheté un, puis il s'est fait dire ça par le vendeur, ben, tu vas avoir un accoudoir, mais ça va être disponible plus tard, puis en option. Donc je ne sais pas comment ça va aller s'installer, parce que d'après moi, ça va aller directement où il y a les deux porte-gobelets. Puis on va-tu perdre les porte-gobelets dessus, mais j'ai hâte de voir comment ça va être. Je suis supposé avoir une autre version du CX-3 vers le mois d'août, fin août, début septembre. Donc un 4 roues motrices. Je vais voir si l'option de l'accoudoir va avoir été installée pour voir ce que ça a l'air. L'intérieur écran tactile de 7 pouces avec le Mazda Connect, qui est un système audio multimédia divertissement qui fonctionne hyper bien. Ça prend une petite courbe d'apprentissage, là, parce qu'on utilise une molette au milieu avec des boutons, un peu comme une souris, mais un coup qu'on sait comment ça fonctionne, ça va super bien. Puis l'écran n'est pas tactile, donc il faut vraiment utiliser la molette. Encore là, si vous achetez la version GT, vous allez avoir des sièges en cuir chauffant. Moi, dans la version que j'avais, comme je disais, c'est du simili-cuir chauffant. Dans la version de base, vous avez des sièges à tissu qui ne sont pas chauffants. À l'arrière, ben, c'est peut-être un peu serré pour des adultes, quoique moi, je me suis assis puis j'ai été confortable. Mais des enfants, ça va être parfait, ils vont se sentir à l'aise. Encore à l'arrière, à part dans les portes, il n'y a pas d'accoudoir central, il n'y a pas de manière de descendre comme la partie du centre pour avoir des portes-gobelets. Fait qu'il y a, ça aussi, mais il y a des portes-gobelets dans les portes, mais c'est pas toujours les plus pratiques. On peut aussi descendre les sièges de façon 60-40 pour donner plus d'espace dans le coffre, là, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous allez faire souvent? Je ne suis pas certain. Mais comme je disais, la finition intérieure, c'est vraiment impeccable, confortable. J'avais un toit ouvrant aussi sur celui que j'avais, que j'ai ouvert un peu, mais je suis pas fan de toit ouvrant, mais c'est joli, ça donne un bel éclairage aussi à l'intérieur. Côté moteur, un moteur pour toutes les versions, fait que c'est simple, du GS au GT. On a juste une version, un 4 cylindres de 2 litres qui produit 146 chevaux, 146 livres-pieds de couple, fait que c'est assez stable, hein? 146, 146. Transmission, il n'y a pas de transmission manuelle dans le CX-3, c'est simplement une transmission automatique à 6 rapports. Puis vous avez le choix, bon, de base, le GX et le GS viennent avec une traction avant. Ils ont une traction intégrale disponible. Si vous allez vers le GT, qui est le complètement équipé, ben là, vous avez une traction intégrale qui vient de série. Comportement routier, ben, C'est Zoom Zoom, c'est Mazda, il y a du PEP, c'est amusant à conduire, c'est assez intéressant. J'avais lu une couple de critiques qui disaient que c'était un peu lent, puis les accélérations n'étaient pas intéressantes. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Il y a un mode sport aussi, si vous voulez un petit peu plus de punch, vous pouvez le mettre en mode sport, puis ça va donner un peu plus de vie encore au moteur. Les rotations du moteur vont être un petit peu plus élevées, les changements de rapport un peu plus tard pour donner une meilleure accélération. Mais moi, je l'ai roulé en mode ordinaire, là, pas en mode sport, puis j'ai trouvé que c'était déjà très bien. Suspension, c'est un peu sec, mais c'est sportif comme comportement. C'est pas inconfortable, mais on va, avec les belles routes du Québec, surtout dans le coin où je me promène, où il y a des nids de poules, des trous, et etc., là, c'est un petit peu rough, mais moi, j'aime ça sentir la route plus que rien sentir du tout, puis c'est pas excessif. Là, sur une route normale, là, ça vous brassera pas trop, vous allez être assez confortable, aucunement négatif, la suspension un peu plus sèche, ça donne une conduite plus sportive. Consommation d'essence, Mazda dit que le CX-3 à traction avant peut faire 8,2 litres au 100 km en ville, 6,7 litres au 100 km sur route. Pour celui équipé d'attraction intégrale, on parle de 8,8 litres au 100 km en ville, 7,3 litres au 100 km sur route. Puis moi, avec celui à traction avant, comme je disais tantôt, j'ai réussi un 6,6 litres au 100 km combiné, fait que ce qui est pas pire du tout. C'est en bas de ce que Mazda annonce. Fait que non, c'est très bien. Ça consomme pas beaucoup puis c'est le fun à conduire. Moi, j'ai l'impression là, que le CX-3 va connaître beaucoup de succès chez Mazda. Ça va être un bon vendeur. Il y a plusieurs nouveaux produits dans cette catégorie-là. Il y a Honda avec son HR-V. Personnellement, j'aime mieux le look puis le design du CX-3. Je n'ai pas conduit le HR-V encore. J'ai entendu dire que le HR-V à l'intérieur, c'est très bien fait. C'est un peu Honda Fit. Là, il y a beaucoup de place. Puis c'est très, très modulaire. Mais pour moi, le plaisir de conduire du CX-3 et tout ça, si j'avais magasiné un véhicule dans cette catégorie-là, je pense que ça serait un de mes choix. Là, parce que j'aime vraiment comment ça se conduit, comment ça se comporte. Puis j'espère que Mazda va en vendre une petite tonne et quart. On va sûrement en voir pas mal ces routes. Déjà que ça a commencé, je pense qu'il y en a. Quand je l'ai eu la semaine passée, j'en ai croisé, je pense, trois sur ma rue. Trois autres. Un noir, deux blancs. Moi, j'en avais un blanc. Puis je n'ai croisé d'autres sur la route. Puis mon copain me dit qu'il s'en est acheté un. Fait que ça commence bien pour Mazda. Je pense que ça va. C'est de bon augure. Je pense qu'ils vont en vendre pas mal. Donc oui, Mazda CX-3, si ça vous intéresse, c'est un succès. Allez faire un tour chez le concessionnaire, essayez-le, puis vous allez voir si ça vous chante. C'est considéré comme une compacte, hein? C'est pas une sous-compacte. Non, c'est un VUS, c'est sous-compacte. Comme la HR-V, comme la Buick Encore, comme la Chevrolet Trax, probablement aussi un peu comme le Kia Soul, le Nissan Juke, c'est des VUS sous-compacts. Fait que des petits bébés VUS. Fait que c'est le fun, ça se conduit bien, c'est amusant, ça a un beau look, ça fait tourner des têtes, il y a plein de monde qui se virait pour le regarder, je trouvais ça intéressant. Surtout en blanc comme ça, il était vraiment joli. Donc, on va terminer ça là-dessus. Martin, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils? Très simple, martin@avec.ca, AVEQ.ca. Parfait. Moi, si vous voulez me rejoindre, bien sûr, Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a aussi le compte du Podcast Auto qui est @podcastauto. Puis, vous pouvez aussi nous écrire à lepodcastauto@gmail.com si vous voulez poser des questions à moi, Martin, ou peu importe. Je vais relayer les messages, si vous avez des messages pour Martin ou quelque chose, si vous ne réussissez pas à le rejoindre, je peux faire la secrétaire. Si vous voulez aussi me lire, vous pouvez aller sur le blog de Kijiji, ofr.kijijiblog.ca, dans la section véhicules. Un article, aux deux semaines, de temps en temps, vous allez pouvoir retrouver ce que j'écris là-dessus. Donc, merci Martin d'être venu me jaser ce soir et d'avoir tenu le fort avec moi, c'est très très apprécié. Et puis, aux auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut.